Le ciel tisse une couverture en laine, l'été prépare ses quartiers d'hiver. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts. Et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En passant mon bras autour de ton épaule, et si malgré mon bras la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Mais si le vent soufflait à perdre haleine, nous irions vite abriter notre amour. Et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour. Et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En offrant au feu tout le bois qu'il réclame, et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu ne t'aide aucun secours, par la chaleur de mon amour, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. La la la la la la la la. Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît. Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.